Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être présent dans ta présence. Seigneur, bénis ces moments et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Hey, Akwabali, you are very colorful. Amen. All right. On dirait des how do you say cartoons? Dessins animés. Mais c'est beau. Qui n'aime pas les dessins animés? Nous aimons tous les dessins animés. It's nice. It's a nice cartoon. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de la prière. Amen. Parce que cette année, c'est une année de prière. Et vous ne pouvez pas être fatigué déjà. Nous sommes le 12 janvier. Hein? C'est même pas 2 semaines. Vous êtes fatigué de la prière. Est-ce que vous avez commencé à prier? Are you sure? Ok. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons commencer notre jeûne de 2014. Alléluia. Jeûne et prière. Amen. Oh. Some people are not happy. Jeûne et prière 2014. It's from Tuesday, right? From tomorrow? Bien dit, from tomorrow. Donc, c'est from tomorrow. À partir de demain, 13, nous allons jeûner et prier. Amen. Et nous allons jeûner et prier 5 heures par jour. Acclamez le Seigneur. Terry, souris un peu. Amen. Et ça va se passer comme ça. Tout le monde, tous les chrétiens vont prier, on va prier, tout le monde va prier seul à la maison pendant 2 heures. Vous allez vous réveiller le matin et vous allez prier 2 heures. Amen, instrumentiste. Et les 3 heures qui restent, nous allons venir ici prier. Comme on a fait l'année passée, nous allons venir, vous pouvez choisir entre 8h, 11h, 11h, 14h, 14h, 17h, 20h. Ok, donc vous avez le choix. Quand vous pouvez, vous venez prier 3h. Et après avoir prié les 3h, vous pouvez couper le jeûne. C'est compris. Et l'année passée, c'était vraiment bien. N'est-ce pas? Gaston, this year. Alléluia. Est-ce que vous allez prier? Qui ne va pas prier? Nouna, tu ne vas pas prier. Elle n'écoutait pas, elle bavardait. Alright, donc vous allez prier à la maison, chez vous, 2 heures, et nous allons venir prier ensemble 3 heures. Si vous ne pouvez pas faire les 2 heures ensemble le matin, vous faites 1 heure, plus les 3, et le soir vous faites encore 1 heure. C'est une idée, non? Donc 5 heures de prière par jour. D'ici 20 jours, vous aurez fait 100 heures de prière. Alléluia. Je crois que c'est une très bonne occasion pour nous. Amen. Parce que certains d'entre nous, nos comptes au ciel sont vides depuis Ils sont vides comme nos comptes ici sur la terre. Il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas de prière stockée pour un mauvais jour. Alléluia. Donc profitez-en. Vous savez vous-même, de vous-même, vous ne pouvez pas prier 5 heures par jour. Vous ne pouvez pas. Et les vendredis, nous avons des veillées. C'est ça, non? Vous allez rattraper les heures que vous avez manquées. Alléluia. Mais décidez que chaque jour, je vais prier 5 heures. Amen. Oh. À quoi va les dire? C'est Amen. Vous m'avez déjà découragé. Nous allons prier et nous serons bénis. Alléluia. Quelqu'un va me demander, mais Lady Pasta, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu pendant 5 heures de temps? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va... Je ne sais même pas quel sujet de prière je peux avoir qui va durer. Combien de personnes ici ont déjà essayé de prier et vous avez prié, pensant que vous avez fait au moins 30 minutes. Et quand vous ouvrez les yeux, c'est 6 minutes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alléluia. Tu ouvres les yeux, c'est 6 minutes. Ok. Donc, nous allons apprendre comment prier pendant ces dimanches et ces jours. Et nous allons aussi savoir ou apprendre de quoi prier, sur quel sujet prier. Amen. Alléluia. Et je prie le Seigneur que pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, d'ici la fin des 20 jours, vous allez pouvoir prier aussi en langue. Amen. Ayez la foi. Alléluia. Parce que ça facilite la prière aussi. Amen. Quel est le sujet de ma prière? Quel sera le sujet d'une prière qui va durer 5 heures par jour? Alléluia. C'est souvent difficile à prier parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le sujet. N'est-ce pas? Tu peux commencer et après 15 minutes, tu commences à penser au cours, tu commences à penser à la famille, tu commences à penser à ton bien-aimé, tu commences à penser à autre chose. N'est-ce pas? Nous allons apprendre comment inclure tout ça dans la prière. Et je pense que ça va nous aider. Amen. Alléluia. Et pour vous qui vous allez prier, vous devez chercher le livre Sweet Influences, Influence douce du Saint-Esprit. Nous allons utiliser ça pendant les prières. All right. Donc, quel est le sujet de notre prière? Matthieu 6, verset 9. Quand les apôtres, les disciples ont vu Jésus-Christ, ils ont marché avec lui, ils ont suivi Jésus pendant un temps. Ils ont remarqué qu'il avait certaines habitudes. Et une habitude qui était très, très importante pour lui, c'était la prière. Donc un jour, ils ont demandé, mais apprends-nous aussi à prier. Parce qu'on voit que c'est quelque chose de très important pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec quelqu'un qui réussit et tu es assez free pour poser certaines questions, tu vas demander, mais comment est-ce que tu fais? N'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous, si nous avions l'occasion de bavarder avec l'évêque, la question, souvent quand on part en croisade, il y a un moment où l'évêque passe avec les pasteurs et ils sont libres à poser les questions, demander ce qu'ils veulent, en fait, juste pour échanger un peu avec lui. Et souvent, à 99% du temps, il demande, mais comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour... Tu es tellement occupé, comment est-ce que tu fais pour écrire tes livres? Comment est-ce que tu fais pour avoir les croisades? Ils veulent savoir, ils veulent connaître un secret, n'est-ce pas? Donc, quand tu as l'occasion de marcher avec quelqu'un de près, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est successful. La question que tu vas poser, c'est comment est-ce que tu fais? Si tu avais l'occasion de rencontrer Bill Gates, J'allais demander, mais comment tu as fait pour devenir aussi riche? N'est-ce pas? Yeah. Et si vous avez l'occasion aussi de me parler, vous allez me demander, mais comment est-ce que tu fais pour être aussi riche? Et comment est-ce que tu fais pour réussir? N'est-ce pas? Yes! Et si je veux, je peux vous partager le secret. Alléluia. Mais les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'on a vu que la prière fait partie de ton secret, le secret de ta réussite. Donc, le modèle qu'il a donné, c'est le modèle que nous allons utiliser pour apprendre à prier pendant des heures. Ok? Amen. Alléluia. Qui veut apprendre à prier pendant des heures? Ok, donc ne dormez pas. Ne dormez pas, number one, et ne mâchez pas le chewing-gum. Number two. Number three, priez que je ne vous vois pas. Et j'ai dit ça parce que j'ai déjà vu des mâcheurs de chewing-gum. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire. Peut-être on va mettre des affiches. Des affiches. Ici, no chewing-gum. Suis gentil parce que je vous ai averti. Trop gentil, merci. Ok, Matthieu 6, verset 9. Si tu vois ton voisin en train de marcher, il faut lui dire, elle est sérieuse. Hein? Nous sommes en 2014. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Voici donc comment vous devez prier. Vous voulez apprendre à prier? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Imeni. Apprends-nous à prier. Et le Seigneur dit, voici donc comment vous allez prier. Ok? Numéro 1, notre Père qui es aux cieux. Reconnaissez Dieu pour qui il est. Reconnaissez Dieu pour qui il est. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas seulement notre Père, mais il est aux cieux. Il est à part. Il est célestial. Il est saint. Alléluia. C'est notre Père, côté personnel, côté affectif, intime, merci. Notre Père. Un Père, c'est quelqu'un de proche. Une des personnes les plus proches que vous pouvez avoir, normalement. Alléluia. Notre Père. Mais il est aux cieux. Il n'est pas sur la terre. Donc, à part cette intimité que nous avons avec lui, nous devons reconnaître sa position et éviter toute familiarité. Alléluia. Vous pouvez être très proche à quelqu'un d'important, mais il ne faut jamais oublier sa position. C'est très important parce que beaucoup d'entre nous, quand nous avons l'occasion d'interagir ou échanger avec des personnes grandes, des grandes personnes, des personnes importantes, après un temps, on devient un peu trop familier et on oublie qu'il y a des limites. Amen. Ça m'est arrivé, je ne suis pas importante, pardon, mais je m'utilise comme exemple. Ici, je suis importante. Alléluia. Ça m'est arrivé de parler avec certaines personnes et la réponse, la manière dont ils ont répondu, j'ai vu que si je me laisse aller avec cette personne risque d'être trop familier avec moi, ou familière. Donc, immédiatement, il y a une barrière qui se monte. Et c'est dommage. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois, j'ai demandé à une fille, je voyais qu'elle avait des problèmes, des soucis. Et quand j'ai demandé, j'ai posé la question, elle dit, ça c'est personnel, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça c'est personnel. J'ai dit, oh, I'm very sorry. Please forgive me. Je m'excuse vraiment d'avoir essayé de poser une question personnelle. Je savais pas. Vous voyez, donc, il y a une certaine limite que vous ne devez pas passer. Amen. Et bien que Dieu est notre Dieu et notre Père, un Père intime, un Père personnel, qui veut une relation intime et intime avec nous, il ne faut pas oublier que c'est le Créateur de l'univers. C'est El Shaddai, Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. C'est Dieu qui tient le souffle. Le souffle qui est dans ton corps là. Il tient ça dans sa main. Et s'il veut, il peut juste fermer le tuyau. Alléluia. Faut pas oublier que Dieu est un grand Dieu. Le fait que tu l'appelles et tu le tutoies ne veut pas dire qu'il est n'importe qui. Que tu peux faire ce que tu veux et attendre à ce qu'il... C'est lui qui va courir après toi. La manière dont tu traites ton petit ami n'est pas la manière dont tu dois traiter Dieu. Il ne va pas toujours courir après toi. Parce que la Bible dit, il ne va pas lutter contre nous, avec nous, pour toujours. Amen. Un jour viendra où il dira, ça suffit. Il y a des enfants aussi, tu peux jouer avec eux. Mais à un moment donné, tu dois dire, ok, maintenant ça suffit. Maintenant tu exagères. Alléluia. Amen. Donc, notre Père, oui, mais il est aux cieux. Il est au ciel. Alléluia. Are you listening to me? Donc, quand nous prions, nous devons rendre grâce et reconnaître Dieu pour qui il est. Amen. Dites merci à Dieu. Merci pour le souffle. Merci pour la santé. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que Dieu t'a béni. Amen. Tu t'es réveillé, je sais que je l'ai déjà dit, mais tu t'es réveillé et tu arrives toujours à voir. Tu n'es pas devenu aveugle la nuit. Il faut remercier Dieu. Alléluia. Tu t'es levé et tu es sorti de ton lit. Dis merci à Dieu. Tu n'étais pas paralysé la nuit. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent et un côté est paralysé. Pendant la nuit, ils ont eu un AVC, un stroke, do you know stroke? Une paralysie ou un AVC. Do you know what is AVC? Do you know what is paralysie? Ruth, I'm asking you every time I ask, then her face is blank. Tu ne connais pas AVC. Tu connais. Maintenant, tu connais stroke. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Faut dire merci à Dieu. Amen. Hier, avant de dormir, tu avais faim. Mais tu n'es pas mort la nuit, tu t'es réveillé. Dis merci à Dieu. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Il faut que cet uniforme change. Alléluia. Ah, the Christmas tree has gone. Okay. Alléluia. Amen. Are you there? Notre Père qui es aux cieux. Ta reconnaissance, ça doit durer quand même plus de 5 minutes. Quand même. Tu ne peux pas me dire que si tu commences à remercier Dieu pour ta vie, ça va te prendre 5 minutes. Ça peut prendre 1 heure si tu es sérieux. Merci parce que tu es mon Père. Merci parce que j'ai accès à toi. Dans ta parole, tu as dit, viens, viens, librement, viens. Il n'y a pas d'empêchement, merci. Tu aurais pu en mettre des barrières entre toi et moi, mais tu ne l'as pas fait. Je te remercie, je te remercie. Ça, c'est déjà une minute. Et puis, tu commences à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Ta santé. Si tu prends du tête jusqu'au pied, oh, ça va te prendre quand même une dizaine de minutes. Alléluia. Merci Seigneur parce que je me suis couché et mes cheveux ne sont pas tombés. Je te bénis. C'est une prière. Merci parce que tu m'as donné de l'argent pour que je me tresse. Je te bénis pour que j'achète les mèches. Amen. Pour les garçons, tu vas dire, je sais pas, merci parce que je suis pas encore chauve. Même si je suis chauve, merci parce que je suis pas malade. Amen. Il y a toujours un sujet de prière. Alléluia. Amen. Remercier Dieu parce que tu peux lire. Tu es parti à l'école. Merci parce que tu peux. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'alphabet. Est-ce que vous savez ça? Des adultes qui ne savent pas ce que c'est A, B, C. Vous savez? Vous pouvez voir, vous pouvez lire. Ce sont des sujets de remerciement. Amen. Merci pour celui qui m'a enseigné. Merci pour mes parents qui m'ont envoyé à l'école. Merci Seigneur que j'ai pu réussir. J'ai pu terminer l'école primaire, même si l'école secondaire est un peu difficile, ou même si le collège, c'est pas trop évident, au moins, j'ai terminé quelque part. Amen. Il y a toujours un sujet de prière, de remerciement. Hallelujah. Amen. Are you listening to me? Donc, trouvez des choses dans votre vie. Ça va vous aider aussi. Alléluia, être reconnaissant. Parce qu'une chose que Dieu n'aime pas, c'est les gens ingrats. Amen. Are you listening to me? All right. Donc, rendez grâce. Adorez le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Ce nom précieux soit sanctifié. Le nom de Dieu est saint. Alléluia. C'est pas un nom comme tous les autres. C'est un nom qu'on doit respecter. Alléluia. Si vous avez un passeport de votre nation, vous devez respecter le passeport que vous portez. Je sais que beaucoup d'Africains ne respectent pas leur pays. Amen. Mais ce pays est capable de te protéger normalement. Et le fait de tenir le passeport, hein, c'est la preuve que vous pouvez avoir accès. Par exemple, moi, je ne peux pas aller à l'ambassade du Gabon demander quoi que ce soit. N'est-ce pas? Mais vous pouvez si vous êtes Gabonais. N'est-ce pas? Juste comme vous ne pouvez pas aller à l'immigration et dire, je suis au Ghana, donc je veux avoir accès à l'université de Ghana, parce que je vis ici. Ils vont dire, mais vous n'êtes pas Ghanéen. Il faut payer. Et il faut payer cher. Oui, parce que vous êtes étranger. Alléluia. Mais parce que moi, j'ai le passeport. J'ai un nom nigérian, mais un passeport ghanéen. Donc quand je vais souvent, ils me disent, ah, Ademola, mais ça, c'est pas ghanéen. Je dis, je suis ghanéen. Comment ça se fait que vous êtes... Je suis ghanéen. J'ai le passeport. Et normalement, ils ne doivent pas me poser cette question. La personne qui devait me poser la question ne m'a pas posé la question et m'a donné le passeport. Donc, toi, tu n'as pas à me demander. Normalement. Comment ça se fait que vous avez un passeport? Et souvent, quand j'ai envie de répondre, je leur dis, c'est le nom de mon mari. Ah. Alléluia. Donc, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est saint. Je ne peux pas appeler ton nom comme ça. Je dois respecter ce nom. Alléluia. Et si vous êtes appelé chrétien, vous devez vous respecter. Parce que vous portez un nom puissant. Un nom sanctifié. Un nom saint. Are you listening to me? Vous avez le privilège de porter ce nom. Souvent ma fille me demande, mais maman, pourquoi tu ne m'as pas accouché aux États-Unis? Je serai américain. Mais tu as décidé de m'accoucher à Osu. Pourquoi? Parce qu'elle voit que certaines de ses amies sont américaines, sont britanniques, parce qu'ils étaient nés dans ces pays. Les avantages du passeport. Alléluia. Mais vous êtes privilégiés d'avoir le nom. Amen. Le nom Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il soit sanctifié. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je suis chrétien. Ce sont des sujets de prière, de reconnaissance. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. So, first subject qui peut te prendre minimum 10 minutes. Même une heure, hein. Minimum 10 minutes. Allons doucement. Un minimum de 10 minutes. Ce sont les prières d'action de grâce et d'adoration. Que Dieu est, tu es grand. Et tu peux chanter aussi. Envoyer des chants. Dieu, tu es grand. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Tu utilises tous les adjectifs que tu connais. Parce que Dieu est plus que ça. Amen. Et tu verras que 10 minutes va passer vite. Amen. Deuxième sujet. C'est quoi? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Priez pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Ce n'est pas une prière pour la fin du monde. Si tu dis que ton règne vienne, ça ne veut pas dire que le monde doit prendre fin et puis tout le monde doit... Non, that's not que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, quand tu pries pour le règne de Dieu, vous voulez que Dieu soit au contrôle. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'est pas au contrôle de ce monde. Amen. Il n'est pas au contrôle. S'il était au contrôle, on n'aura pas les guerres et les maladies et les choses négatives qui se passent dans ce monde. Il y a un certain roi, un certain quelqu'un qui est au contrôle. Qui contrôle les événements, le prince de cette terre. Alléluia. Et si tu pries que ton règne vienne, tu es en train de dire, Seigneur, que tu sois au contrôle. Je veux que tu sois au contrôle. Que ton règne vienne n'est pas une prière juste générale. Ça peut être une prière personnelle. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma situation. Amen. Et ça peut te prendre aussi un certain temps. Que ton règne vienne. Je veux voir tes règles, tes lois se manifester dans ma vie. Amen. La personne qui règne donne les lois. Le président du Togo ne peut pas venir au Ghana imposer des lois ici. Il est président. Mais pas du Ghana. Même président Obama ne peut pas venir. Récemment, le président Obama et le premier ministre d'Angleterre, il s'appelle comment? Cameron, David Cameron. Il voulait imposer une certaine loi dans notre pays. Ils ont dit que nous devons reconnaître et donner les droits aux homosexuels. Sinon, ils avaient imposé, ils disent, sinon ils allaient couper les prêts et les aides financières au Ghana. À l'époque, c'était President Mills. Il a refusé. Il a dit, non, vous n'avez qu'à arrêter vos aides financières. Parce qu'on va pas se, on ne va pas se soumettre à vos lois. Et beaucoup de pays africains étaient tellement énervés. Ils disent, ah, mais comment vous faites, vous voulez venir imposer des lois dans nos pays? C'est pas aussi de leur faute, parce qu'on mendie trop. On dépend totalement d'eux. Donc, ils pensent qu'ils ont le droit de nous dire et nous dicter. Vous voyez? Mais on a refusé. Parce que non, vous ne pouvez pas, quand même, venir dans le pays de quelqu'un et puis donner des instructions. Alléluia. Donc, quand vous priez que ton règne vienne, tu veux que le règne, les lois, les commandements de Dieu viennent dans votre vie, dans votre environnement, dans votre situation, dans votre famille. Et comment est-ce que le règne de Dieu va s'implémenter ou se manifester si ce n'est pas par nous? Amen. Donc tout d'abord, tu dois te soumettre à la loi et au règne de Dieu. Amen. Pour que les lois, quand vous avez des lois et personne pour to implement, enfoncer, renforcer les lois, il y a le désordre. Au Ghana, il y a le désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour renforcer les lois. La police n'est pas efficace. Voilà pourquoi les gens peuvent rouler, brûler le feu, personne ne dit rien. Tu vois que la lumière a changé rouge. Une voiture, deux voitures, trois voitures continuent à rouler. Le policier est là. Les lois existent. Vous avez des bicyclettes, des motos qui roulent dans le sens interdit, opposé. Police est là, il ne dit rien. C'est comme si les motos n'ont pas de loi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a une loi. Il y a une loi. J'ai la loi. Là. Amen. Il y a une loi. Mais qui va renforcer? On dit qu'il ne faut pas payer la police si on t'attrape. Il ne faut pas lui donner de l'argent. Ça, c'est corruption d'un officier de service, en service, hein. Mais tout le monde sait qu'on fait. Et ils reçoivent. Ils demandent même. Que ton règne vienne veut dire que je veux que tes lois soient renforcées dans ma vie. C'est à toi d'amener le règne de Dieu. Amen. C'est à nous. Hello. I've not said anything. C'est à nous de renforcer la loi. Que ton règne vienne. Donc ta prière, utilise-moi pour faire venir ton règne. Prépare mon cœur, prépare-moi pour faire venir ton règne sur cette terre. Dans ma famille. Quand les gens me voient, il faut qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Donne-moi le courage d'être opposé à beaucoup de bêtises et à pouvoir parler quand les choses ne sont pas correctes. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de parler quand je vois qu'il y a l'injustice. Donne-moi le courage d'évangéliser pour que ton règne vienne. C'est un sujet de prière. Amen. C'est encore 10 minutes, minimum. Minimum. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ma famille soit soumise à tes lois, à tes commandements. Seigneur, que moi-même je sois soumise à ta loi. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ton règne, pas le règne d'autres. D'une autre personne. Je ne veux pas me soumettre aux lois du monde. Je refuse d'être soumise aux lois du monde. Je veux être que ton règne vienne. Tout ça, c'est sous ce sujet de que ton règne vienne. Amen. Je sais que quand ton règne viendra, je serai en paix. Je vivrai en paix. J'aurai la joie. Oh Seigneur, que ton règne signifie la joie dans ma vie. Ton règne signifie la paix dans ma vie. La justice dans ma vie. Amen. Ah, c'est un sujet, un seul sujet. De 10 minutes encore. Donc tu es presque dans les 20, 30 minutes là, par là. Amen. Quand souvent quand on dit le modèle que Dieu nous a donné, Jésus nous a donné, c'est notre Père qui est aux cieux. On récite et puis c'est fini. C'est une minute de prière. Mais le prière, c'est le modèle. Donc il faut utiliser le modèle pour pouvoir prier. Hallelujah. Are you listening to me? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Seigneur, c'est ton règne qui viendra dans ma vie. C'est ton règne. Parce que tu es Dieu. Et ton règne est bon pour moi. Amen. Okay, so number one is what? What? Remercier Dieu, rendre grâce, whatever you want to write. Number two, que ton règne vienne. Priez pour que le royaume de Dieu vienne. Amen. Number three, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça là, ça peut prendre une heure. Que ta volonté soit faite. L'évêque a écrit tout un livre sur ce sujet. Just this one subject. La volonté de Dieu. Hey! Pendant la nuit du 31, on a vu que beaucoup d'entre nous se lèvent et on ne prie pas. Le résultat, c'est que notre vie dépend des circonstances. Notre vie dépend du hasard, du méchanceté des hommes. Wow! Mais nous allons prier pour la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, c'était le sujet de sa prière. Il a dit, éloigne cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je ne veux pas passer par cette situation. Je ne veux pas. Éloigne-moi de cette situation. Mais, pas ma volonté, pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Quand tu fais ce genre de prière, vous êtes calme par rapport à tout ce qui va t'arriver. La vie de Jésus allait dépendre de Judas. Allait dépendre de la, how do you say greed? Convoitise ou la gourmandise de quelqu'un. Parce qu'il cherchait de l'argent. Avidité. Avarice. Cupidité. Le gros ventre de quelqu'un. Il voulait de l'argent. Donc si Jésus-Christ n'avait pas prié, sa vie aurait dépendu de l'avarice de Judas. Amen. Mais puisqu'il avait prié pendant des heures, il a prié pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Amen. Quand les soldats sont venus l'arrêter, il était calme. Pas de panique. Pourquoi? Parce qu'il avait prié. Et après avoir prié, il s'est livré à la volonté de Dieu. Il dit, si ils viennent me chercher, c'est ta volonté. C'est pas à cause de Judas. C'est pas à cause de l'avarice de Judas. C'est par ta volonté. Amen. Are you listening to me? Donc la volonté de Dieu est primordiale. Prier pour la volonté de Dieu. Essentiel dans la vie de tout un chrétien. Tout le monde. Vital. Amen. Si vous ne priez pas pour la volonté de Dieu, vous priez pour la volonté du monde. Vous ne priez pas pour la volonté de Dieu, vous êtes en train de prier pour la volonté du monde, la volonté du prince de ce monde, la volonté du hasard. Tu te lèves le matin et dis, ok, que les circonstances me suivent, que ce qui va arriver, arrive. Ça, c'est ce que tu es en train de dire par ta manque de prière. Amen. On te dit, oh Seigneur. Non, pas Seigneur, parce que tu n'as pas prié. Ma vie dépend de, du vent. Quand tu te lèves et tu sors le matin, tu dis, ok, que le vent souffle. Là où tu voudras, j'irai. Si tu me souffles devant un camion pour que le camion me... C'est... Parce que si tu ne pries pas, ta vie va dépendre de beaucoup de choses. Amen. Si tu ne pries pas la volonté de Dieu, amen. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, tu es en train de demander par ta silence que la volonté du hasard, les circonstances t'arrivent. C'est dangereux. Amen. Amen. Ta volonté soit faite dans ma vie. Pas la volonté de mes parents. Pas la volonté de boss. Pas la volonté de mes enseignants. Mais ta volonté. Ta volonté. Amen. Ta volonté, Seigneur. Je veux ta volonté dans ma vie. Je veux ce que tu veux pour moi. Si ton enfant, tu dis à ton enfant, tu demandes à ton enfant, qu'est-ce que tu veux? Dis, oh, maman, choisis ce que tu veux, je vais aimer. Ah, oh, mais c'est beau. It's nice d'avoir un enfant qui te fait confiance. Qui te fait confiance pour ce qui va arriver dans sa vie. Oh, maman, toi décide. Je sais que tu vas faire le bon choix pour moi. Oh, very nice. Amen. Mais tu as des enfants qui insistent. Si tu achètes quelque chose, oh mamie, c'est pas ce que je voulais. Oh maman, je pense que je voulais l'autre. Immédiatement, le fait d'avoir acheté même, tu as des regrets. Tu regrettes d'avoir acheté la chose pour cet enfant. Are you listening to me? Are you following what I'm saying? C'est important. Amen. De prier pour la volonté de Dieu. La volonté. Que ta volonté soit faite. Ta volonté. Ta volonté. Pas la mienne. Je veux beaucoup de choses. Et il n'y a pas de... Tu n'as pas tort si tu pries pour avoir certaines choses. C'est important que tu pries. Jésus-Christ a prié. Il a prié. Et je crois que jusqu'à ce moment de Gethsemane, il croyait... C'est ma théorie, hein. Je crois qu'il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Comme pour Abraham et Isaac. Je crois que jusqu'en ce moment de Gethsemane, Jésus croyait que quelque chose allait changer. Que Dieu allait intervenir. Parce que la Bible dit, il a prié. Et il a dit à ses disciples, je suis triste. Que je crois que c'était en ce moment où il s'est rendu compte que la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Oh. Ce que tu espères, ce n'est pas ce qui va t'arriver. C'est en ce moment où il s'est rendu compte que non. À cette allure, je crois que je serai sur la croix dans très bientôt. Mais il espérait. Même le matin, il espérait. L'après-midi, quand il a dit, ok, j'ai prié seul pendant un temps, mais je ne sens pas la réponse. Donc, allons-y. On va prier. Et quand il arrive avec les disciples, il s'endorme. Oh! Il a dit, non. Je crois que la volonté de Dieu n'est pas ma volonté. Donc, que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Seigneur, je veux réussir. Je veux avoir un travail. Je veux me marier. Je veux toutes ces choses. Mais, pas ma volonté, ta volonté soit faite. Amen. Ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon avenir, dans cette jour, dans ce jour, que ta volonté soit faite. Demain, que ta volonté soit faite. La semaine prochaine, que ta volonté soit faite. Le mois prochain, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et je veux être prêt à assumer, à respecter ta volonté. Parce que j'ai prié, je vais accepter. Donne-moi la force d'accepter. Même si ta volonté n'est pas ma volonté, donne-moi la force d'accepter ta volonté. Waouh! C'est un sujet de prière, un sujet grave. Amen! Prépare mon cœur pour recevoir et reconnaître ta volonté. Amen! Certains d'entre nous, nous sommes en train de prier, jeûner contre la volonté de Dieu. Vous résistez la volonté de Dieu sans le savoir. Priez pour la volonté de Dieu. Priez pour la volonté de Dieu. Et acceptez que la volonté de Dieu n'est pas toujours ta volonté. Que la volonté de Dieu, parfois, est différente de ta volonté. Mais il ne faut jamais oublier le verset qui dit qu'il connaît les projets qu'il a pour vous. Ce sont des projets de bonheur. Comment est-ce que mourir à la croix peut m'apporter du bonheur? How? Comment est-ce que les gens que moi j'ai créés, quand ils me givrent, ils crachent sur moi, ils m'insultent. Comment est-ce que ça peut apporter le bonheur? Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Il sait. Et il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il sait que c'est en passant par cette période. C'est en passant par la saison que tu vas sortir dans la joie et le bonheur. Alléluia. Des projets de bonheur, des projets de joie. Wow. Que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, c'est ma vie. La terre, c'est tout ce qui me concerne. Parce que je suis sur la terre. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est faite. Les anges ne s'opposent pas à Dieu. Amen. Alléluia. Les anges rebelles ont déjà été chassés. Alléluia. Are you there? Amen. Que ta volonté soit faite. On est déjà dans les 30 minutes minimum. Minimum. Amen. On a déjà atteint minimum de 30 minutes. Toi qui priais 5 minutes. Toi qui priais 6 minutes. Et après vous étiez fatigué. 15 minutes et puis tu étais vraiment content. Aujourd'hui là j'ai prié. Alléluia. Nous allons prier 2 heures. 2 heures. Quand vous faites la prière, après vous allez prier 10 minutes en langue. 10 minutes d'intelligence, 10 minutes en langue. Ça c'est déjà double. Amen. Are you with me? Ça va marcher, I'm telling you. Ça va marcher et on va prier. Hallelujah. On va prier. On ne va pas dormir et puis se réveiller comme ça. Amen. Je ne suis pas convaincue que certains vont prier. Gaston, are you going to pray? Thierry, tu vas prier. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Et ce que vous allez faire aussi, c'est vous allez vous envoyer des messages. Si vous décidez de prier à 3 heures, dites à au moins 5 personnes, ou à 4 personnes, ou à 10 personnes, ou arrangez-vous avec votre cellule. Ok, notre cellule, nous allons prier de 4 heures à 6 heures. Donc, vous allez vous appeler. La personne qui se lève à 4 heures, vous allez appeler tout le monde. Vous allez biper tout le monde. Envoyer un WhatsApp à tout le monde. Vous allez dire, OK, il est 16 heures. Et puis, il doit te répondre. S'il ne répond pas, ça veut dire qu'il dort. Il n'y a pas de... Tu bipes, tu flashes. 4 heures, tu appelles ton frère. Zona Shepherd. Tu prends le numéro de tout le monde. Tu vas biper. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons veiller sur nos frères. Et le secret, c'est de dormir tôt. Il ne faut pas dormir à midi, minuit, et attendre à se lever à 4 heures du matin. C'est impossible. Tu es un être humain. Alléluia. Et si tu te lèves à 4 heures, pardon, il faut quitter le lit. Il faut quitter le lit. Amen. Je vous donne des trucs qui vont vous aider. Quittez le lit. Si vous pouvez allumer, mets la lumière. Tu ne peux pas prier quand il fait sombre. Couché au lit. Quand tu vas ouvrir les yeux, c'est 8 heures et tu es en retard. Allumé. Lève-toi du lit. Va brosser les dents. Laver le visage. Est-ce que vous m'écoutez? Yeah. Si vous avez une chaise, peut-être vous êtes dans une chambre. Tu prends la chaise et tu tournes le dos au lit. Tu joues la musique ou une prédication. Hein? Et tu commences à prier. Alléluia. Si tu peux te lever et puis marcher, fais-le. Si tu as un jardin à côté, si tu as un cours, tu quittes. Pour les filles, faites attention de ne pas être kidnappées. Hein? Mais vous restez à un endroit éclairé. OK? Mais le secret, c'est de ne pas rester au lit. Même si vous êtes au lit, il faut mettre la lumière. Mais ça, là, c'est pas sûr. Alléluia. Brossez les dents, lavez le visage. Commencez à prier. Alléluia. Ça va marcher. Demande à ton voisin, tu vas me réveiller ou c'est moi qui te réveille? Amen. Alléluia. Et nous allons aussi demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous influence à nous lever le matin pour prier. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez prier? Est-ce que vous allez prier? Combien d'heures? 5 heures par jour. Amen. 5 heures par jour. Dis à ton voisin, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et nous allons prier au nom de Jésus. Levez-vous. Nous allons prier. Nous allons prier. Commencez à remercier Dieu. Seigneur, merci pour cette opportunité, pour cette année de prière, cette opportunité que tu nous donnes de prier. Prier de communier avec toi. Seigneur, merci. Merci, je sais que par moi-même, je ne pourrais pas prier. Mais avec ton aide, Saint-Esprit, je pourrais le faire. Merci pour la force de me lever tôt le matin, de ne pas m'endormir. Merci pour la force de continuer et de persévérer dans la prière pendant ces 20 jours à venir, Seigneur. Merci pour la force de jeûner et de ne pas abandonner après 3 jours, après 5 jours, après 10 jours. Merci pour la force de pouvoir persévérer et de tenir pendant ces 20 jours de jeûne et prière, Seigneur. Je veux le faire. Je veux le faire. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je veux le faire cette fois-ci. Seigneur, je sais que tu pourras m'aider. Je sais qu'avec toi, je pourrai le faire. Merci, Saint-Esprit, d'être toujours à mes côtés. Merci, Saint-Esprit, pour la force de prier, la force de rester fidèle à ce vœu de prière. Merci, Saint-Esprit. Je te bénis et je te remercie. Au nom de Jésus. Si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas chrétien, et quand je parle de chrétien, je parle de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, quelqu'un qui est sauvé par la foi. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel ou à l'enfer. Être sauvé simplement veut dire que tu sais où tu vas aller quand tu meurs. Que tu es sûr d'une place au ciel. La Bible dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème, ne sois pas étonné que je te demande de naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je crois que je ne suis pas né de nouveau. Je crois que je ne suis pas né de l'esprit. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si j'irai au ciel ou à l'enfer. Je veux que tu pries pour moi. Si tu es là comme ça, lève la main droite et je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Tu veux qu'il soit le maître de ta vie. Tu veux que son règne vienne dans ta vie. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main pour que je puisse voir. Merci, je vois ta main levée. Que Dieu te bénisse. Mon frère, lève la main. Merci, je vois la main. Je veux prier pour vous. Si tu as levé la main, fais-moi encore une chose. Viens devant, viens vers moi. Je vais juste prier pour toi. Viens. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte du tout. Venez. Merci. Thank you, Jesus. Merci, venez. Soyez bénis. Nous allons faire cette prière ensemble. Je vais demander à ceux qui sont devant de faire de cette prière votre prière personnelle. Répétez après moi. Je vais demander aussi à tout le monde de participer à la prière. Fermez les yeux et prions. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie ne te plaît pas. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si j'irai au ciel ou en enfer. Mais ce matin, je prends une décision de te donner le contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Fais ce que tu voudras dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu es ressuscité. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon seul sauveur. Fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai et je te servirai. Satan, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus et je ne te suivrai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Maître. Seigneur Jésus, je t'aime. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir sauvé. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer? Félicitations. Vous avez pris une très bonne décision.